Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 9. Mais le Seigneur dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et du lit voici ce que dit le Seigneur, Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me sacrifie, que si tu refuses encore et les retiens, voilà que ma main sera sur tes champs, et sur tes chevaux, et tes ânes, et tes chameaux, et tes bœufs, et tes brebis, une peste très dangereuse. » Et le Seigneur fera une distinction merveilleuse entre les possessions d'Israël et les possessions des Égyptiens, en sorte que rien absolument ne périra de ce qui appartient aux enfants d'Israël. Et le Seigneur en a marqué le temps, disant, « Demain le Seigneur accomplira cette parole en ce pays. » Le Seigneur donc accomplit cette parole le jour suivant, et tous les animaux des Égyptiens moururent. Mais parmi les animaux des enfants d'Israël, rien absolument ne périt. Et Pharaon envoya voir, et rien n'était mort de ce que possédait Israël. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas aller le peuple. Alors le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Prenez plein vos mains de cendre de foyer, et que Moïse la jette çà et là vers le ciel devant Pharaon, et qu'il y ait de la poussière sur toute la terre d'Égypte. Car il y aura sur les hommes et les bêtes des ulcères et de grosses tumeurs dans toute la terre d'Égypte. » Ils prirent donc de la cendre de foyer, et ils se présentèrent devant Pharaon. Et Moïse la jeta çà et là vers le ciel, et il se forma des ulcères, de grosses tumeurs sur les hommes et les bêtes. Et les magiciens ne pouvaient se tenir devant Moïse, à cause des plaies qui étaient sur eux et dans toute la terre d'Égypte. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit le Seigneur à Moïse. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Lève-toi dès le matin, et présente-toi devant Pharaon. Et tu lui diras, voici ce que dit le Seigneur, Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me sacrifie, parce que pour cette fois, j'enverrai toutes mes plaies sur ton cœur, et sur tes serviteurs, et sur ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi dans toute la terre. C'est maintenant en effet qu'étendant la main, je frapperai toi et ton peuple de la peste, et tu périras de dessus la terre. Car je t'ai établi pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. Tu retiens encore mon peuple et tu ne veux pas le laisser aller? Voilà que je ferai pleuvoir demain à cette même heure une grêle extrêmement abondante, telle qu'il n'y en a point eu en Égypte du jour où elle a été fondée jusqu'au temps présent. Envoie donc dès maintenant et rassemble tes bêtes et tout ce que tu as dans la campagne. Car les hommes et les bêtes, et toutes les choses qui se trouvent dehors, n'ayant pas été retirées des champs, et sur lesquelles sera tombée la grêle, mourront. Celui qui d'entre les serviteurs de Pharaon craignit la parole du Seigneur, fit retirer ses serviteurs et ses bêtes dans les maisons. Mais celui qui négligea le discours du Seigneur laissa ses serviteurs et ses bêtes dans les champs. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, afin qu'il fasse de la grêle dans toute la terre d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute l'herbe de la campagne dans la terre d'Égypte. » Et Moïse étendit sa verge vers le ciel, et le Seigneur donna des tonnerres et de la grêle, et des éclairs qui couraient de toutes parts sur la terre. C'est ainsi que le Seigneur fit pleuvoir de la grêle sur la terre d'Égypte. Et la grêle et le feu mêlés tombaient ensemble. Et la grêle fut d'une telle grosseur que jamais pareil ne parut dans toute la terre d'Égypte, depuis que cette nation a été fondée. Ainsi la grêle frappa dans toute la terre d'Égypte tout ce qui s'était trouvé dans les champs, depuis l'homme jusqu'à la bête. Elle frappa aussi toute l'herbe de la campagne, et elle brisa tout arbre de la contrée. Seulement dans la terre de Gessen où étaient les enfants d'Israël, la grêle ne tomba pas. Alors Pharaon envoya et appela Moïse et Aaron, leur disant, « J'ai encore péché. Maintenant le Seigneur est juste. Moi et mon peuple, nous sommes les impies. Priez le Seigneur que ces tonnerres de Dieu et la grêle cessent, afin que je vous laisse aller, et qu'en aucune manière vous ne demeuriez ici davantage. » Moïse répondit, « quand je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers le Seigneur. Et les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches qu'au Seigneur est la terre. Or je sais que toi-même et tes serviteurs ne craignez pas encore le Seigneur Dieu. Ainsi le lin et l'orge furent gâtés, parce que l'orge était verte, et que le lin poussait déjà ses balles. Mais le froment et l'épeautre ne furent point gâtés, parce qu'ils étaient tardifs. Moïse donc sortit d'avec Pharaon et de la ville, étendit ses mains vers le Seigneur, et les tonnerres et la grêle cessèrent, et il ne tomba plus une goutte d'eau sur la terre. Or Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, aggrava son péché. Et son cœur et celui de ses serviteurs s'appesantirent et s'endurcirent extrêmement. Et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, comme avait ordonné le Seigneur par l'entremise de Moïse. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.